préfecture. C'est toi que j'allais voir quand les grands racontaient des histoires. Combien de fois je t'ai quitté sans compter de me trouver. Petite prison bien ajustée. Ma chère solitude, faut pas que vienne une habitude. J'ai besoin de ta solitude. Condition de la prison. Les plus intimes des intimes. Moi j'ai personne d'habits volants. Schizophrène, faut que je te freine. J'aime trop les autres et j'aime quelqu'un. J'ai peur de perdre. Peur de garder, peur de ne pas être celui qui va décider. On enchaîne solitude. Faut pas que tu deviennes une habitude. Je ne te cache pas mon inquiétude. À qui la faute si tu mérites les problèmes de la multitude. satisfaire, ça va satisfaire.